Hey, Phil, ta boucle en fait, c'est la boucle que je fais tourner en mixolydien. Sauf que moi, sur ma boucle, je reste deux fois en La. Je fais durer plus longtemps sur La. Je fais La sus 4, Sol, Ré. C'est pratiquement la même boucle, donc toujours en La mixolydien là-dedans. Je sais pas si tu te rappelles, t'as déjà buffé là sur ma boucle aussi. Sur quoi? C'était sur le gain de l'ampli là? Oui, donc si tu m'entends, voilà, je te dis, il faut que le son soit plus équilibré entre les graves et les aigus. Donc les aigus se fassent ciseler là, que ça sorte tout seul, comme ça t'as pas de problème d'overclip avec un limbot. Et quand tu descends dans le grave, faut pas que ça bave, faut que ça reste métallique aigu quoi. Problème de travailler au casque chez soi ou à faire du studio, on a tendance à faire du loudness, à avoir une égalisation de loudness, mais je veux dire, c'est pas ça qui fait que ça, le son d'agrave sort quoi. Ça donne du confort, mais ça comment dire, ça émerge pas. T'as pas un micro pour poser là, ça fait téléphone. pas mal là. Ça commence à couiner dans les aigus. Grave, il est encore flou là. Essaye de monter les médiums. Je sais pas si t'es à fond, mais tous les médiums à fond. Ça marche toujours hein. Ou alors faudrait que tu baisses tes micros dans le grave. Voilà, faudrait que tu descendes tes micros sur les cordes graves là. Ça marche trop quoi. Si ce sont des humbuckers que t'as pas besoin de les mettre près des cordes hein. Tu peux les éloigner hein. Là, sur la strat ils sont complètement descendus je veux dire sur la corde grave c'est 8 mm, et je préfère monter le gars sur l'ampli que d'avoir les micros trop près. Si tu mets trop près, ça bave et puis tu perds le système. Tu vois, le médium aigu était pas mal. Médium aigu, c'est pas mal, mais quand tu descends en grave, ça devient baveux. Baisse le potard de grave, mets-le à 9h, ton potard de grave. Et monte les aigus. C'est une simulation d'ampli que t'as ? C'est quelle simulation que t'as pris ? Guitarique, mais t'as pris quel modèle d'ampli Jean Marshall ou autre chose? Plexi? Ah ouais, c'est pas mal Plexi normalement. Normalement, Plexi, tu peux foutre le médium et l'aigu à fond. Hein. Par contre, faut pas mettre le gain trop fort, parce que sur un Plexi, quand tu mets le gain à fond, ça coupe l'aigu. Donc il faut mettre le gain à moitié, quoi. Ouais, le gain, baisse-le. Ton problème, c'est ça. Baisse ton gain. Tu le mets à 6 ou 7, même à 5. Moi toi, j'utilise du plexi, j'utilise du petit gain, mais je suis jamais à fond dessus. Le maximum que je mets, moi, c'est à 6, quoi. Sinon, en général, je suis à 5. Ouais, parce que ça bouffe, hein, le gain sur les Marshall, ça bouffe le médium et les gains. Le volume, si tu n'es pas assez fort, tu montes le volume, mais le son il va s'éclaircir, donc t'éclaircis ta voix. Ah, c'est plus clair là. Et si t'as un bouton de présence, eh ben, tu te fous à dos. bien dessus, genre PCM, SSA, on va les mettre en compte. Enfin, faut pas que tu m'écoutes non plus, hein, parce que moi j'ai le son strat dans la tronche. Je vais encore te transformer ta gratte en strat là. Mais quand tu joues les cordes graves, tu dois pas être plus fort que l'aigu et elles doivent sonner métallique, hein, même sur les Paul. Avec le micro grave ou le micro aigu là. Putain, mais c'est dingue parce que sur l'aigu j'ai l'impression que tu joues comme si tu étais sur mon micro grave à moi. Ah, il te faut une strato. Faut que le son il soit plus flûté, moins de disto, et que ça soit plus tranchant. Ça manque de tranchant, je trouve. T'as baissé le gain? Essaye avec le gain à 5, à moitié. Tu remontes le volume après, parce que t'es pas assez fort, mais essaye avec le gain à 5. Là, jouer avec un CPM 45, c'est beaucoup plus médium comme ça. Tu sais, quand je joue avec Stick Mac, là, il a un Guitar Rig sur un PC. Lui, il prend le JCM 800, hein. Il a une émulation JCM. Et il a des Gibson et des Strat, et ça sonne vachement plus métallique, hein. Ouais, c'est pas mal là. C'est quoi la gratte là? Celle-là. Essaye de trouver une émulation JCM 800. Avec le JCM 800, tu n'auras aucun problème de brillance et puis d'aigu. En plus de gain, il y a beaucoup plus de gain. Ah, c'était pas mal les filles là. Bon, hey, Philippe, ton son il allait mieux là. Et là, ça envoyait plus fort. Hein. Même trop fort. Ah ouais? Non, mais le morceau que je t'ai envoyé, c'est celui que je fais en ce moment sur Ninbot là et Ninjam là. J'ai écrit la boucle, j'ai une boucle qui tourne, ça tourne pas vite, et puis il y a un bon riff à jouer à plusieurs guitares. Si ça te dit, on peut changer les settings, et puis tout le monde apprend le riff, et on joue tous en même temps. Donc ta messagerie, elle marche.